Tout bon forestier connaît Hydromec, situé au 29-21 boulevard Warburg à Dolbeau-Mistassini. Nous faisons la vente et la réparation d'équipements forestiers, neufs ou usagés. Une équipe dynamique et compétente qui a plus de 35 ans de présence dans la collectivité. Pour nous rejoindre, contactez le 418-276-5831. La direction et le personnel Hydromec souhaitent la meilleure des chances aux équipes participantes au tournoi d'hockey midget du Centre de formation professionnelle de Dolbeau-Mistassini. L'équipe d'Hydromec félicite les organisateurs. En cette période de l'année, on pense à nos REER. Il est très important de penser à vos placements pour la retraite. Cette année, pour vos REER, communiquez avec M. Jacqueline Doucet, conseiller en sécurité financière, planificateur financier auprès des services financiers Jacqueline Doucet et représentant d'épargne collective rattaché à Mickey Capital, dont les bureaux sont situés au 1230 Boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini. L'emplacement, c'est du sérieux. Vous devez toujours faire affaire avec des gens de confiance qui connaissent le marché financier et qui sont des spécialistes dans le domaine. Monsieur Jacqueline Doucet peut vous donner des judicieux conseils pour que vous profitiez des avantages d'un bon placement. N'attendez pas la dernière minute, composez immédiatement le 418-276-6170. Monsieur Jacqueline Doucet invite la population à participer en grand nombre au tournoi du Centre de formation professionnelle. On a parlé de Rosalie, on n'a pas été capable de lui parler, on tente de le rejoindre depuis hier à Whitehorse où se passent les Jeux du Canada, sauf qu'on devrait le faire au cours des prochaines heures. Quoi qu'il en soit, ben, on va parler avec celui qui était l'analyste de la course, la médaille d'or de Rosalie Tremblay aux 500 mètres et également notre collaborateur Robert Dubois. Salut Robert! Robert, évidemment, Rosalie Tremblay, tu me l'avais dit en dehors des ondes, et même en ondes, tu as dit, elle a d'excellentes chances de médaille. Mais ça a été une course, on l'a vu à RDS, ça a été une course quand même qui a perdu son lustre en raison des chutes, là. Oui, disons que le 500 mètres féminin a pas donné le meilleur spectacle, mais on a quand même fait un triplé au niveau du Québec avec notamment l'or de Rosalie. La course des hommes était excessivement spectaculaire, par contre, quelques minutes plus tard. Mais dans l'ensemble, on peut juste dire mission accomplie parce que on a échappé aucune des médailles. Le Québec, on a remporté toutes les courses aujourd'hui, encore une fois, un triplé aux 3000 mètres femmes, okay. 3000 mètres hommes, ainsi qu'au relais. On vient remporter les deux relais, femmes et hommes. Alors, c'est historique. On n'a jamais fait ça dans l'histoire des Jeux du Canada en partant la première présence du courte-piste en 1983 à Chicoutimi, aux Jeux de Chicoutimi. On n'a jamais tout remporté comme ça. C'est une razzia complète. Et à ça, on ajoute 11 médailles en longue piste. Alors, c'est 26 médailles en courte piste, 11 en longue piste, 37 médailles pour le patinage de vitesse. On n'aurait jamais pu espérer un tel résultat. C'est hors de proportion. Robert, est-ce que c'est le Québec qui est trop fort ou c'est les autres provinces qui sont trop faibles? Ou c'est un peu des deux? C'est une bonne question. C'est probablement un peu des deux. Je pense que certaines provinces ont pas livré autant qu'on aurait pu croire en termes de performance. Au niveau du Québec, nos patineurs ont été à la hauteur, très compétitifs. Ils n'ont pas fait d'erreur dans les rondes préliminaires. Et puis, très compétitifs là où ça comptait, dans les demi et les finales. J'ai un mélange des deux. Ouais, OK. Mais c'est difficile de dominer plus que ça et j'ose croire, j'ose espérer que ça va fouetter les autres provinces parce qu'on pour être bon, on a besoin aussi de compétition puis pour pouvoir se former et compétitionner au niveau international, ben on souhaite avoir le plus de compétition possible. C'est sûr que c'est valorisant dominer comme ça, mais c'est bon aussi d'avoir de la compétition. Alors on espère que ça va peut-être fouetter les autres provinces et l'ensemble du patinage de vitesse canadien pour réagir et tenter de mieux faire. En fait, est-ce que les autres provinces travaillent plus avec le long piste? Parce que, bon, il y a ton garçon Laurent qui va bien, là, qui va très bien, mais je me rappelle plus, c'est sûr, ça fait pas des années que je suis le patinage de vitesse sur contre-piste et longue piste, mais je me semble qu'avant Laurent, il n'y avait pas eu grands athlètes, à part Gaétan Boucher. Est-ce que le Canada anglais travaille plus sur la longue piste, puis le court piste, étant donné qu'on n'a pas vraiment d'anneaux couverts, on travaille plus sur le court piste au Québec? Oui, disons que une grande proportion de notre talent naturel va plus en courte piste. Et courte piste est très gros au Québec, très connu. On a des vedettes depuis des années, donc c'est valorisé. La longue piste est plus méconnue et en plus, on a seulement qu'un anneau, donc les infrastructures manquent. On a eu quelques bons patineurs. Sylvain Bouchard, en 1998, a été champion du monde, quatrième au jeu de Nagano. Il est souvent tendance à être oublié, Sylvain, mais... Il y en a eu d'autres également, mais c'est sûr que c'est pas la force du courte-piste, loin de là. Par contre, lorsque Gaétan a remporté ses médailles, le Québec composait 100% de l'équipe canadienne des Jeux de Sarajevo. Mais à l'époque, le courte-piste n'était pas un sport olympique en 84. Donc, quand le courte-piste est devenu olympique, il a pris beaucoup de place, et c'est bien correct, comme ça, et il a pris beaucoup de place, et en même temps, pendant ce temps-là, le toit de l'anneau Calgary faisait son œuvre, alors les différentes provinces ont effectivement une tendance à peut-être mettre un peu plus d'énergie en longue piste et y croient plus. Mais bon, je pense qu'il faut que ces provinces-là réagissent et tentent de trouver des solutions pour être d'un meilleur niveau, de rehausser la barre, parce que c'est le Canada qui serait mieux servi au niveau international avec plus de profondeur. Okay. Là, c'est l'affaire d'une province, grosso modo, au niveau de la profondeur. Il y a quelques éléments là au niveau des équipes nationales qui proviennent de d'autres provinces, mais je pense que ça serait bon pour le Canada qu'il y ait un peu plus de compétition, effectivement, là, que les autres provinces réagissent de ce résultat qu'on vient de voir. Rosalie, tu l'as fait la course du 500 mètres. C'est une victoire, mais est-ce que c'est une belle victoire compte tenu qu'il y a eu des chutes et ça a perdu son rythme? Oui, ben je pense qu'elle a commencé les jeux très fort. En fin de parcours, elle a trouvé une compétitrice de très haut niveau en Béatrice Lamarche qui a gagné les deux dernières médailles d'or. Aujourd'hui, c'est encore une fois Béatrice Lamarche qui a gagné. Donc les deux patineuses sont clairement en tête, là, si on veut, au niveau de la récolte. Béatrice Lamarche remportant deux médailles d'or individuelles et deux médailles d'argent, alors que Rosalie, deux d'or individuelles, une d'argent et une de bronze. Et elles ont remporté ensemble l'or au relais avec les coéquipières en battant le record des Jeux du Canada. Donc, ces deux patineuses-là vont partir avec un excédent de bagages là, parce qu'on revient avec cinq médailles chacune. Est-ce que ça va accélérer le processus, le fait que les deux, Béatrice et Rosalie, ont bien performé? Est-ce qu'ils sont tout près de l'équipe B, peut-être de la Coupe du Monde l'an prochain? Parce que je parlais avec Marianne hier, et puis... Marianne, elle s'est rappelée de ce qui s'est passé en 2007, puis elle dit que par la suite, ça a déboulé vite, là. Fait que on peut penser que les deux, le Béatrice Lamarche et Rosalie, seront à la portée de l'équipe canadienne, là. Ben, ce sont deux figures marquantes. Par contre, Béatrice Lamarche a un profil également longue piste, et son idée à elle, c'était de venir ici, parce qu'elle a été classée également sur l'équipe pour le long piste. Elle était même classée sur l'équipe du championnat du monde junior qui a lieu en fin de semaine en Pologne, actuellement, en fait, pour le long piste également. Et elle a choisi de venir faire les jeux en courte piste. Et vraisemblablement qu'elle va se diriger davantage vers le long piste dans les prochaines années. Mais dans le cas de... Bon, ça peut changer. Elle est encore jeune, là, mais c'est un peu le plan de match actuel là, qu'elle avait préparé en début de saison et qu'elle a suivi tout au long de l'année. Et alors que Rosalie est davantage une spécialiste de courte piste et puis elle s'entraîne au Centre régional canadien à Montréal. Oui, on peut faire certains parallèles. Faut tout de même faire attention des ascensions comme Marianne Saint-Gelais a connues, fulgurantes comme ça. Il y en a pas souvent, il y en a eu peu. Alors je vais faire attention tout de même, pas que je n'ai pas confiance au talent et à la volonté puis au travail de Rosalie, loin de là. Je pense que c'est une très bonne jeune, elle fait partie de nos vedettes montantes et ce qu'elle a illustré ici et tout au long de la saison, définitivement qu'on va la revoir à plusieurs sauces, dont dans 10 jours au championnat du monde, dans 8 jours enfin au Japon, au championnat du monde junior notamment. Elle est la seule des Jeux du Canada ici qui va, elle ne retourne pas au Québec, elle s'en va à l'opposé au Japon. Alors oui, on va la revoir. Est-ce que ça sera aussi fulgurant comme Monté que Marianne? Le temps nous le dira, là. Évidemment, c'est très difficile à... Mais dans l'histoire, là, si on regarde les derniers 20 ans, des montées aussi rapides, là, 2007, les Jeux du Canada, 2009, une médaille en Coupe du Monde, 2010, une médaille aux Olympiques, c'est très rare. Alors, si ça arrive, ben, tant mieux pour la jeune Tremblay. Je pense qu'elle a démontré beaucoup de potentiel, mais ça sera pas nécessairement un désastre si ça arrive pas aussi rapidement. Faut être patient pour monter au niveau international. Peu importe le sport, longue piste, courte piste et plein d'autres sports, faut être patient. Et tant mieux, ça arrive plus vite, ça se prend encore mieux, mais ça prend beaucoup d'entraînement. Parle-moi, est-ce que tu l'as vu la course du 1000 mètres hier de Rosalie? Est-ce que tu l'as vu? Comment ça s'est passé? Parce que le 500 mètres, on l'a vu à la télévision, mais le 1000 mètres, comment ça a été? Oui, en fait, le souvenir que j'ai eu, c'est une course beaucoup plus serrée, une très belle course en fait, beaucoup d'action. Elle a été prise un peu dans le peloton, et puis à un moment donné, il y a eu un accrochage qui a fait en sorte que Béatrice Lamarche, qui était plutôt loin derrière, mais qui avait encore beaucoup d'énergie, a réussi à passer deux filles par l'intérieur avec un demi-tour à faire, et Rosalie a été comme pris. Je pense qu'elle s'est fait un petit peu surprendre. Ça fait partie du courte piste. Elle a bataillé ou bagarré là dans cette course-là assez solidement là, à un dépassement, on revient, on repasse, on se refait dépasser. Et puis je pense que ça lui a joué un tour dans les deux premières courses. Elle avait une aisance en avant du peloton un peu plus grande. Et là, dans le trafic, ça a moins bien tourné pour elle. Mais ça, c'est l'expérience qui va rentrer. Je pense que c'est une jeune qui est très concentrée. Elle démontre une volonté de lorsqu'elle est sur la ligne, lorsqu'on voit, là, c'est une jeune qui veut gagner ses courses et puis qui veut monter. Ça fait que je suis convaincu qu'elle a l'attitude où elle va apprendre de cette course-là, puis du 3000 aussi d'aujourd'hui. Elle a vraiment un beau profil là, pour le futur. Robert Dubreuil, un gros merci. On se reparle pour peut-être la semaine prochaine, si tu peux, pour les championnats du monde junior, un peu, pour parler un peu de justement de Rosalie qui va être là-bas. Oui, voilà, avec plaisir. Robert Dubreuil, à bientôt.